مرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivaient sur la radio Bilal Al-Kini dans cette assise qui se veut être une assise autour de l'épître ثلاثة الأصول de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Suleiman ibn Ali al-Tamimi رحمه الله رحمة واسعة. Nous sommes toujours dans cette épître grandiose du nom de ثلاثة الأصول concernant les trois principes fondamentaux, la connaissance d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la religion de l'Islam avec les preuves. Et nous sommes arrivés à la mention des adorations. C'est-à-dire que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une liste d'adorations qui sont avouées à Allah. Et on avait mentionné un point important. C'est-à-dire que les adorations qui avaient été mentionnées dans la liste, qu'on a énumérée et qu'on a mentionnées dans la semaine dernière, ce n'était pas une liste d'adorations exhaustive. C'est-à-dire que la liste d'adorations, ce n'est pas ça, c'est le nombre d'adorations qui existent en islam. Là. Ça, ça montrait fiqh da'i. C'est-à-dire, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, a mentionné les adorations dans lesquelles survenait beaucoup de polythéisme de la part de ses contemporains. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de shirk qui survenait dans ces adorations, comme dans le shirk dans la peur, al-khawf, ou al-khashya, dans la crainte, ou dans al-raja, dans l'espoir, ou dans le tawakul, le fait de placer sa confiance, etc. Donc ces choses-là, c'était des choses dans lesquelles survenait beaucoup le polythéisme chez ses contemporains, c'est-à-dire les gens de son époque. Donc il a abordé ces adorations afin de clarifier cela. Et pourquoi le concept de l'adoration est si important de le maîtriser? De maîtriser le tawhid et le sujet de l'adoration, et de maîtriser le sujet du shirk, c'est parce que tu as été créé awalan pour la ibadah d'Allah. Tu as été créé pour ça. Tout ce qui se passe autour dans ta vie, c'est quelque chose qui t'aide ou qui te détourne de l'adoration. Donc tu as été créé pour l'adoration, donc il faut que tu saches ce qu'est une adoration. Car il y a des adorations du cœur, comme notre cher Cheikh Salim Bamahrez l'a expliqué dans son explication de la Thalathat al-Usul. Il a expliqué que les adorations, il y en a avec le cœur, comme le fait d'aimer Allah. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Il y a les adorations par la langue, comme le fait de réciter le Coran, ou de faire la mention d'Allah, ou d'invoquer Allah. Il y a des adorations avec les membres, comme la Salah. Il y a des adorations avec l'argent, comme la Sadaqa, ou la Zakah. Il y a des adorations qui englobent toutes ces adorations entre elles, comme le Hajj. Dans le Hajj, il y a les actes du cœur, les actes de la langue, comme la talbiya, la bayk Allahumma bi umrah, ou des actes des membres, comme le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba sept fois. Tout ça, ce sont des formes d'adoration. Et si tu ne sais pas ce que c'est l'adoration, peut-être que dans ta vie, tu vas vouer une adoration qui ne devrait être vouée qu'à Allah, tu vas la vouer à autre qu'Allah, tombant dans ce qu'on appelle le polythéisme. Or, le polythéisme est une chose qu'Allah ne pardonne pas. Allah a dit dans Surat An-Nisa, dans le verset selon le sens en français, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne à quelconque associé, mais pardonne en deçà de cela à qui il veut. » Et donc, après avoir mentionné cette liste d'adoration, le cheikh, le Moussannif, a dit « فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَ شَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ » C'est-à-dire, donc, ces adorations qui sont une liste non exhaustive, c'est-à-dire, ce n'est pas toutes les adorations qui existent, il en a mentionné quelques-unes. Il dit donc, quiconque en vouerait la moindre d'entre elles, ce ne serait-ce qu'une seule, فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Il est alors un polythéiste mécréant. Cheikh Ubayd al-Jabari dit فَمَنْ صَرَفَ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Quiconque viendrait avouer une forme parmi les formes d'adoration. سَوَاءً فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخ وَمَا ثَبَتَ أَنَّهُ عِبَادَةٌ مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَالْعِبَادَةُ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِلَّهِ تَعَالَى. Il dit que cette adoration en question, c'est-à-dire qui serait vouée à autre qu'Allah, soit une des adorations qui fut mentionnée dans la liste, mentionnée dans le cours de la semaine dernière, ou que ce soit une autre adoration qui ne fut pas mentionnée par le cheikh, quelle qu'en soit l'adoration, quelle qu'en soit sa forme, doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Taïb, pour rappel, la définition de l'adoration. Cheikhuna Cheikh Khalid al-Dhafiri, dans son explication de Sulaym al-Wusul, a expliqué que dans la loi, c'était rayat al-dhuli wal-khudu'. C'était le paroxysme du rabaissement et de l'humilité. Ensuite, dans le contexte shar'i, al-ibadah, c'est un nom général. Il y en a un nom qui englobe plusieurs aspects. Et il y a six aspects qui sont englobés dans cette définition. C'est la définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Al-Ubudiyya. Il avait expliqué que l'ibadah, c'était un nom qui englobait tout ce qu'Allah aime et agrée comme acte et parole, que cela soit apparent ou caché. L'adoration, le terme adoration, désigne tout ce qu'Allah aime et agrée comme acte et parole, que cela soit apparent ou caché. Apparent ou caché, peut-être certaines personnes peuvent avoir une ambiguïté concernant qu'est-ce qui est voulu par cela. Ce qui est caché, par exemple, les actes, les adorations du cœur, le fait d'avoir peur d'Allah. Allah a dit « Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin » N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes véritablement du nombre des croyants. Donc parmi les sifats, les caractéristiques distinctives des croyants, c'est qu'ils ont peur d'Allah. Taïb, ça c'est une adoration qui est dans le cœur. Ensuite, pour rappel, l'adoration a deux conditions de validité. Elle a deux conditions de validité, c'est-à-dire que pour ton adoration elle soit acceptée, les ulémas ont mentionné qu'elle a deux conditions, deux paramètres qui doivent être respectés. Un d'entre eux a déjà été mentionné, par le fait que ce soit voué sincèrement à Allah. Ça c'est par rapport à ce qu'on appelle l'ikhlas, c'est-à-dire que tu adores Allah par cette adoration. Quel est l'autre paramètre indissociable, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais être séparé de celui-ci? C'est al-mutaba, le fait de se conformer à la sunna du prophète. Car il y a quatre catégories d'individus. Comme Cheikh al-Islam Ibn Qayyim l'avait mentionné, il y a quatre catégories d'individus vis-à-vis de ces deux conditions. La première catégorie, c'est la meilleure des gens, c'est celle des meilleures des personnes, qu'Allah m'accorde d'en faire partie ainsi que vous. C'est ceux qui sont à l'ikhlas ou al-mutaba. C'est-à-dire ceux qui adorent Allah avec sincérité et avec conformité à la sunna. La deuxième catégorie, ce sont les pires des gens, qu'Allah me préserve d'en faire partie et vous accorde la même chose. Ce sont ceux qui ne sont ni sincères ni conformes. C'est-à-dire qu'ils ils font des bidas, mais ils ne le font pas pour Allah. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui sont sincères mais qui ne sont pas conformes. Ça, c'est les mubtadi'a. Il y a des gens qui essayent d'adorer Allah sincèrement, mais ils ne le font pas avec la sunna du prophète. Et « fahuwa mardoud » comme le prophète a mentionné, l'œuvre sur laquelle par laquelle tu cherches à te rapprocher d'Allah mais qui n'est pas légiférée, ne sera pas acceptée. Et la quatrième catégorie, c'est celle des munafiqoun, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah avec conformité à la sunna, mais pas sincèrement pour Allah, tombent dans cette catégorie, notamment les munafiqoun. Ensuite, il y a un point important concernant l'adoration. Et ça, c'est un point que j'ai déjà mentionné, mais dont je réitère la mention de par son importance. Cheikh al-Islam, dans Ad-Durar al-Saniya, fil Ajoubat al-Najdiya, dans le volume 2, a mentionné un aspect important. Quand Allah nous donne un ordre, comment on sait qu'une chose est une adoration? C'est quand Allah nous l'ordonne, ou quand Allah nous la recommande, ou quand Allah fait l'éloge de ceux qui font cet acte. Ça veut dire qu'on sait que c'est une adoration. Ça fait partie des indicateurs, des indices, qui prouvent que c'est une adoration. Et donc, la priorité dans les adorations, c'est d'accomplir les ordres d'Allah. Mais il y a sept étapes vis-à-vis des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La première, Cheikh al-Islam a dit, « إِذَا أَمَرَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِأَمْرٍ » Lorsqu'Allah donne un ordre à son serviteur. « وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ سَبْعُ مَرَاتِبٍ » Il incombe à ce serviteur de concrétiser sept étapes concernant cet ordre. « الْأُولَى الْعِلْمُ بِهِ » La première, c'est la connaissance qu'il doit avoir de cet ordre. Je donne un exemple. Certains parmi les ulémas ont donné l'exemple de la salah. Allah nous a dit « Aqimu salah » Établissez la prière. Donc tu dois étudier les conditions de la prière, les piliers de la prière, les conditions de la prière, les piliers de la prière, les obligations de la prière, les sunan, les actes recommandés de la prière et les annulations de la prière. Ça fait partie de la connaissance relative à la concrétisation de cet ordre. Donc la première chose, elle a « ilmobé » le fait d'étudier cet ordre et comment le concrétiser, c'est-à-dire comment obéir. Athaniya mahabbatu, tu dois aimer l'ordre d'Allah, car Allah n'ordonne à ses serviteurs que ce qui est dans leur intérêt. Athalitha al-azmu ala al-fi'l, le fait que tu aies la ferme volonté de te conformer à cet ordre, c'est-à-dire d'obéir. Al-rabi'a al-amal, le fait d'obéir, c'est-à-dire de concrétiser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisa, et ça, c'est ce qu'on a abordé il y a quelques minutes. Le fait de faire en sorte que ton acte d'obéissance, que la concrétisation de cet ordre, soit accompli avec sincérité et conformité à la sunna. C'est-à-dire, tu as adoré Allah pour Allah, tu as accompli une adoration pour Allah, comme le faisait ou comme l'a instruit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-sadis, et ça, c'est un point important sur lequel beaucoup sont négligents. At-tahdhiru min fi'l ma yuhbitu. Le fait d'être sur ses gardes, de se prémunir quant à ce qui l'anéantirait. C'est-à-dire qu'une personne peut adorer Allah pendant des années. Mais si elle tombe dans un naqid min nawaqid al-islam, s'il fait du shirk akbar, mathalan, et qu'il meurt sur cela sans s'en être repenti, ceci anéantirait ses années d'adoration. Donc il faut faire attention à ce qui annule et anéantit les adorations. As-sabi'atu as-thabatu alayh. Le fait d'être constant dessus. Non, d'être constant dessus. Après, il y a des ordres que tu dois concrétiser au quotidien, comme la salah. Il y a des ordres que tu concrétises de façon annuelle, comme le ramadan, ou de façon, une fois dans ta vie, comme le hajj, mathalan. Taïb, je reviens au livre. Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullah alayhi, mentionne. Il dit « Wa dalil qawluhu ta'ala ». Donc là, il aborde le sujet d'ad-du'a. Il dit « Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar ». لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc c'est-à-dire ومن يدعو مع الله إلها آخر. Quiconque viendrait invoquer avec Allah une autre divinité. لا برهان له به. N'ayant aucune preuve légitimant cela. فإنما حسابه عند ربه. Et certes son jugement revient à son Seigneur. Ça c'est une menace, comme les ulémas l'ont mentionné, comme les gens de science l'ont mentionné, c'est une menace. إنه لا يفلح الكافرون. Certes les mécréants ne réussissent pas. Donc ça, c'est l'épître. Venons-en à l'explication de Cheikh Ubayd. Cheikh Ubayd al-Jabri dit « Samma Allahu subhanahu wa ta'ala man da'a ma'ahu ghayrahu kafira li qawlihi innahu la yuflihu al-kafirun. » Allah Azzajal a appelé celui qui invoque Allah et avec lui autre que lui, il l'a décrit comme étant kafir. En effet, Allah Azzajal a dit « Innahu la yuflihu al-kafirun. » Certes, les mécréants ne réussissent pas. Et il mentionne à la suite le passage du verset وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. Quiconque viendra invoquer avec Allah une autre divinité, n'ayant aucune preuve légitimant cela. Il dit هَلْ هُنَاكَ إِلَٰهَ عَلَيْهِ بُرْهَانٌ مَعَ اللَّهِ. Est-ce qu'il existe une divinité, yani à propos de laquelle il aurait une preuve légitimant le fait qu'il l'adore en dehors d'Allah, divinisant cette entité en dehors d'Allah, de façon légitime, de par une preuve? Là. Il dit قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ هذا إخبار عن الواقع. En fait, ce verset-là fait référence et informe quant à la situation. C'est-à-dire, والواقع أن كل معبود مع الله أو دونه لا برهان يدل على أحقيته العبادة. وإنما هذا إخبار بالواقع. Il dit en vérité, ce passage du Coran, ce passage du verset, n'est qu'une information concernant la réalité de la situation. C'est-à-dire que toute chose qui est divinisée, c'est-à-dire qui se voit accorder une adoration, qu'elle soit adorée avec Allah ou en dehors d'Allah, elle n'a aucune preuve. C'est-à-dire que la personne qui fait cela, qui divinise une entité en dehors d'Allah, qui adore autre qu'Allah ou en dehors d'Allah ou avec Allah, n'a absolument aucune preuve légitimant son acte. Non. Ensuite, قال المصنف وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. Et il mentionne un hadith que les ulama ont décrit comme étant un hadith da'if, un hadith faible. Et il dit « هذا da'if » في إسناده ابن لاهيعة ou ابن لاهيعة. Les deux appellations, j'ai déjà entendu les deux appellations de la part d'Ahl al-Ilm. Et il est da'if. Et il est un rapporteur qui n'est pas fiable. Et il dit « والصحيح قوله الدعاء هو العبادة » Et donc le hadith qui est lui authentifié, considéré authentique par les ulama, c'est le hadith « Ad-du'a huwa al-ibada ». L'invocation, c'est l'adoration. Puis, il mentionne la parole du Moussannif. Il dit « Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. » C'est-à-dire, et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration rentreront bientôt certainement dans l'enfer humilié. » Surat al-Ghafir. Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne في هذه الآية, donc dans ce verset, أولا, le premier point, حث العباد على الدعاء. Il y a une incitation, un encouragement, يعني à l'adresser aux serviteurs quant au fait d'invoquer Allah. ثانيا, وعدهم على الدعاء بالإجابة. Allah leur a promis que s'ils l'invoquent, il les exaucerait. ثانيا, تسمية الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون Jahannam adakhiri. C'est-à-dire, le troisième point qu'on en tire de ce verset, c'est le fait que dans ce verset, l'invocation a été décrite comme étant une adoration. Car Allah a dit, selon le sens du verset, « Certes, ceux qui s'enflent d'orgueil, an ibadati, c'est-à-dire face à mon adoration. » Et l'adoration qui était visée dans ce contexte-là, c'était l'invocation. Naam. Samma ad-du'a ibadatan. Allah a appelé l'invocation adoration. Il l'a décrite comme telle. Wa qad mada al-hadith ad-du'a huwa al-ibada. Et il a certes été mentionné précédemment là, le hadith mentionnant que le fait que la du'a c'est l'adoration. Donc le Coran et la Sunna sont unanimes à ce sujet-là. Rabi'an, le quatrième point que le cheikh extrait de ce hadith, yabqa min ayna yustafadu an-nahyu an du'a'i ghayrillah. Il dit, d'où est-ce que l'on tire dans ce verset l'interdiction du fait d'invoquer autre qu'Allah? Il dit, yustafadu an-nahyu min al-wa'id. Il dit, on tire l'interdiction du fait que dans ce texte coranique, il y a une menace. فإن الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية كما هو مقرر في الأصول. C'est-à-dire que dans la science du usul fiqh, dans la science des fondements de la jurisprudence, il y a un procédé. On déduit que lorsque il y a un texte qui mentionne une menace concernant celui qui fait cet acte, c'est une manière de nous faire comprendre que cet acte est donc interdit. نعم. والنهي هنا للتحريم قولا واحدا عند أهل الحق. وَلَا صَارِفَ لَهُ أَبَدًا. Il dit, et là, dans l'interdiction, parce que l'interdiction peut être de deux. C'est-à-dire que des fois, dans les textes de la révélation, que ce soit le Coran ou la Sunna, des fois, certaines choses sont interdites. Donc, l'apparence, c'est l'interdiction. Et la base dans Usul Fiqh, dans les fondements du Fiqh, c'est que النَّهْيُ لِلْتَحْرِيمِ. C'est-à-dire que si quelque chose est interdit, c'est que c'est haram. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle un sarif. C'est-à-dire un autre texte, un autre élément, qui nous fait comprendre que l'interdiction n'était pas de l'ordre de l'interdiction, du haram, mais de l'ordre du makruh, détestable. Et leur jugement est différent. Le haram, si tu le fais, tu risques un châtiment de la part d'Allah. Le makruh, si tu le fais, tu ne risques de la part aucun châtiment. Taïe. Donc justement, mais il dit l'interdiction dans ce contexte-là, c'est l'ittahrim, c'est-à-dire que c'est haram. C'est pas makruh d'invoquer autre qu'Allah, c'est haram. C'est haram. Qawlan wahidan 'inda ahli al-haq. C'est une parole unique, c'est-à-dire qu'il y a unanimité entre les adeptes de la vérité concernant ce sujet-là. Naam. Wala sarifa lahu abada. Et il n'y a aucun élément qui nous ferait changer ce jugement du haram à en deçà de cela. C'est haram, mutlaq. Taïb. Baqiya fi ad-du'a umurun la budda min at-tanbih ilayha. Il dit concernant le sujet de l'invocation, il y a des sujets, des affaires que le cheikh souhaite aborder, vis-à-vis desquelles il souhaite attirer l'attention. Il dit awwaluha, la première d'entre elles, le premier de ces points. Donc an ad-du'a naw'an huma du'a al-ibadah wa du'a mas'alah. Donc il dit que déjà la du'a, le premier point qu'il souhaite aborder, c'est le fait que la du'a est de deux. Du'a ibadah, c'est-à-dire la du'a d'adoration, et du'a mas'alah, la du'a de par la demande. Taïb, quelle est la différence? On va le voir inchallah dans tafsil. Il dit fa du'a al-mas'alah. Donc la du'a de par la demande. Il dit وَسُؤَالُ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلْبَ الْخَيْرَ وَالدَّفْعِ الشَّرِ. C'est-à-dire le fait que le serviteur implore son Seigneur et lui demande de lui accorder un bien ou de repousser de lui un mal. C'est une demande. Tu demandes quelque chose, spécifiquement. Il dit وَمِنْ أَمْثِلَةِ الدُّعَاءِ الْمَسْأَلَةِ الْمَأْثُورِ مَا رَوَاهُ الْبُخَرِي عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رب السماوات. Attendez, il y a quelque chose qui apparaît pas sur mon écran. نعم. عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش لا إله إلا الله رب السماوات والرب الأرض ورب رب العرش الكريم. Ça c'est une doua qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas de tristesse, en cas de calamité, d'une affliction qui attriste les serviteurs. Il est légiféré de dire cela. Ça fait partie de ce qui est rapporté authentiquement du prophète alayhi salat wa salam. Naam. Ensuite, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam alidhu biya dhal jalal wal ikram. C'est-à-dire demander le refuge par le fait d'appeler Allah en l'appelant yani ya dhal jalal wal ikram. Dha, c'est-à-dire celui qui est le détenteur, celui qui est caractérisé par une chose. Al-Jalal, Al-Jalal, c'est-à-dire la majestuosité. La majestuosité et l'immensité. Les ulama ont expliqué que ça renvoyait à la notion de l'Azama ou al-Kibriya. Naam. Et ça, c'est des connotations qui sont relatives à l'immensité d'Allah et de la perfection de ses attributs. Et wal-Ikram, al-Ikram, ça fait référence au fait qu'il est celui qui honore ses serviteurs et qui leur fait bénéficier de sa générosité à Azzawajal. Et par rapport à l'Ikram, le don d'Allah Azzawajal est de deux. Il y a un don général et un don spécifique. C'est-à-dire qu'il y a, les dons dont Allah, yani, qu'Allah accomplit vis-à-vis de ses serviteurs qui sont généraux, dont bénéficie tout à chacun. Le fait que le kafir bénéficie de la part d'Allah. Il a des richesses, il boit, il mange, il vit, il a des enfants, il a des choses qu'Allah lui accorde. Et ça, c'est général. Tout le monde bénéficie de cette bienfaisance de la part d'Allah de façon générale. Mais il y a le don d'Allah de façon spécifique. Le don qu'Allah accorde uniquement à ses serviteurs parmi les croyants qui sont des pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il dit, donc je reviens au propos de Cheikh, il dit « وَالدُّعَى يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِسْمٍ مِنَ أَسْمَاءِ اللَّهِ » Donc c'est-à-dire que la dua, lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, si on invoque Allah azza wa jalla, on doit le faire par un de ses noms. Taïb, j'ouvre ici une parenthèse. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous parfaits, sont tous sublimes, et renvoient à des connotations de perfection. C'est pour ça qu'on dit que tous les noms d'Allah sont husna. Ça, c'est une règle dans Asma wa Sifat. Et Allah azza wa jalla a 99 noms. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a que 99 noms? Non. Dans un hadith authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que Allah a 99 noms, 100 moins 1, donc littéralement 99. Et il a dit quiconque les retient, c'est-à-dire quiconque les énumère, rentrera au paradis. Notre cher Cheikh Khalid al-Dhafiri a expliqué que ce hadith, pour concrétiser le ajr al-mathkour fi hadha al-hadith al-sharif, il y a trois maratib. Tu dois premièrement mémoriser les noms d'Allah. Donc les 99 noms sont ceux que l'on connaît. Ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Il a d'autres noms que nous ne connaissons pas. Mais ceux que nous connaissons à travers le Coran et la Sunna sont au nombre de 99. Donc tu dois, pour concrétiser l'ajr dans ce hadith, premièrement, mémoriser ces hadiths. Deuxièmement, étudier leur sens, les sens qu'ils contiennent, les connotations auxquelles ils renvoient. Troisièmement, que tu adores Allah à travers ce qu'impliquent ces noms. Cheikhouna Cheikh Khalid al-Dhafiri, dans son explication de l'Umat al-Irtiqad, avait expliqué que Ibn al-Qayyim rahimahullah avait dit que tout nom d'Allah a une ubudiyya qui lui est propre. C'est-à-dire, quand tu connais des noms d'Allah, ça va impliquer une adoration qui va venir de toi par rapport à ce nom et ce qu'il renvoie comme connotation. Je donne un exemple. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Shura, le verset 11, « Laysa kamithli shay wa huwa as-sami' al-basir » Rien ne lui est similaire et il est l'audient, celui qui voit toute chose. As-sami' ça c'est un nom. Al-Basir, ça c'est un autre nom. Al-Samir, c'est-à-dire l'audience, celui qui entend toute chose. Il a l'attribut d'Al-Sama. Al-Sama, c'est Idaraku al-Masmu'at. Le fait d'entendre, la capacité de percevoir les choses qui sont audibles. Al-Basar, yani Al-Basir, c'est celui qui a Al-Basar, l'attribut de la vue. Et l'attribut de la vue, c'est Idaraku al-Mar'iyat. Le fait de voir les choses qui sont visibles. Le fait que tu saches qu'Allah entend toute chose et voit toute chose, quelle est la dévotion religieuse que ça va impliquer dans ta vie? C'est que tu sois en privé, comme tu es en public, quelqu'un qui agit en ayant conscience et à l'esprit en permanence que ton Seigneur te voit et t'entend parfaitement. De telle manière à ce que tu n'es pas comme certains qui sont pieux en apparence devant les gens en public, ils se surveillent, ils savent se tenir, mais quand ils sont seuls dans leur maison, ils sont les pires des désobéissants. La personne qui a conscience qu'Allah le voit et l'entend à tout moment sera pareil en public comme en privé. Et c'est pour ça qu'un des pieux prédécesseurs avait expliqué concernant le fait qu'Allah voit ses serviteurs, il dit « Ne fais pas d'Allah le moindre de ceux qui t'observent. » C'est-à-dire que le moindre de ceux à qui tu donnes de la considération concernant le fait qu'il t'observe, c'est Allah. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont en public, ils donnent de la considération au fait que les gens les observent, les gens les voient. Donc ils font attention à ce qu'ils disent, ils font attention à ce qu'ils font, parce qu'ils craignent pour leur réputation. Mais quand ils sont chez eux, que les êtres humains ne les voient plus, Allah les voit toujours. Et là, par contre, c'est comme s'ils étaient tout seuls, complètement tout seuls, et que personne ne les voyait. Faisant d'Allah, dans leur considération qu'ils ont d'Allah, le moindre de ceux qui l'observent. Non. Donc, il dit la dua, « Yajibu an yakuna bismin mi asma'illah » Donc, ça se fait par la mention d'un des noms d'Allah, parmi les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. au sifatin min sifatihi. Ou lorsqu'on invoque Allah, on peut invoquer Allah par son attribut. Donc on l'appelle par son nom, on invoque Allah par la mention de son nom, ou on l'invoque par la mention de son attribut. Taïb, intabihu. Il y a un farq entre invoquer Allah par la mention de son attribut et le fait d'invoquer l'attribut lui-même. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il y a ijma' que le fait d'invoquer l'attribut est du shirk akbar. C'est-à-dire, il y a une différence entre quand tu dis, comme dans le hadith, bi rahmatika astaghithuk, par ta miséricorde j'implore ton secours. Tu invoques Allah par la mention de son attribut. Mais si tu dis ya rahmat Allah, tu invoques la rahma d'Allah comme si c'était quelque chose d'indépendant d'Allah, comme si c'était une entité mustaqilla, indépendant d'Allah, ça c'est du shirk. طيب. نعم. فمن الأسماء الحديث السابق ومن الصفات أعوذ بعزة الله. Donc, je cherche la protection de part à travers yani la puissance d'Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que tu cherches la protection d'Allah à travers de par sa puissance. أعوذ بكلمات الله التامات. Je cherche la protection de par les paroles parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore dans une doua que Cheikh Ubayd al-Jabir a mentionné, As'aluka Allahumma, ô Allah, je t'implore, bi rahmatika, de par ta miséricorde, allati wasi'at kulla shay, qui a cerné, yani qui englobe toute chose. Il dit, wa doua l'istikhara al-ma'ruf. La doua l'istikhara, c'est une doua qu'on aura peut-être l'honneur de vous enseigner, bi idnillah. Mais juste, je fais une parenthèse pour vous inciter à vous renseigner concernant Dua al-Istikhara. Parce que des fois, certaines personnes n'ont recours à cette Dua d'Istikhara que beaucoup traduisent par prière de consultation. Alors qu'à la base, l'Istikhara, comme les ulémas l'ont mentionné, c'est Talab al-Khair. C'est la demande de bien. Et justement, l'Istikhara, c'est quelque chose qui est une sunna, qui est à accomplir lorsque l'on a un projet important. Et ce n'est pas uniquement dans le mariage. Il y a des gens, ils connaissent l'Istikhara que quand il s'agit d'une affaire de mariage. En dehors de ça, ils ne demandent pas Allah al-Khair. Là, tu as un projet commercial, tu as quelque chose d'important dans ta vie, etc. Tu fais l'istikhara. Non. Je ne dis pas que c'est wajib, c'est une sunna. Et il est légiféré de faire deux rakats. Deux rakats, minan nawafil. C'est-à-dire qu'à la base, tu fais ça après avoir fait deux rakats. Non. Et tu fais deux à l'istikhara. Et dedans, il y a des manifestations de tawhid et de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmation de ses noms et de ses attributs à Azza wa Jal. Non. Et concernant l'istikhara, il est légiféré, il fait partie de ce qui est mashrou, de consulter des gens par rapport à notre projet, avant ou après l'istikhara. Et les gens qu'on doit consulter sont des gens qui doivent remplir deux caractéristiques. As-salah wa al-tuqa wa al-khibra. C'est-à-dire que lorsque tu as un projet, et que tu comptes demander à Allah le khir vis-à-vis de ce projet, comme quoi si c'est un projet qui est bien pour toi, qu'Allah te le facilite, et que si c'est quelque chose de mauvais pour toi, qu'Allah t'écarte de cette chose et écarte cette chose de toi, il est bon, avant ou après avoir fait ça, de consulter des gens qui ont deux caractéristiques. La première, ce soit des gens qui sont pieux. Comme ça, quand ils vont te conseiller, ils vont te conseiller en craignant Allah dans leurs conseils qu'ils vont te donner. Mais également, ça doit être des gens qui ont une khibra. C'est-à-dire que ce soit des gens qui ont une connaissance, de l'expertise, de l'expérience dans le domaine à propos desquels tu les consultes. Pourquoi ? Si tu consultes une personne il craint Allah, mais il ne connaît rien à ce domaine, sans le vouloir, il va peut-être mal te conseiller. Il veut ton bien, mais comme il n'y connaît rien, il va parler avec sa tête, il va mal te conseiller. Inversement, si c'est une personne qui a de l'expérience dans le domaine dans lequel tu le consultes, dans lequel tu le sollicites, mais que cette personne-là n'est pas quelqu'un qui craint Allah, peut-être qu'il va sciemment, en utilisant sa science et sa connaissance du domaine, mal te conseiller pour peut-être t'évincer. Comme par exemple si tu veux te lancer dans un domaine commercial. Et tu consultes quelqu'un envers qui tu as une bonne opinion, qui est dans ce domaine de vente, pour qu'il te donne des conseils. Et lui, il ne veut pas que tu sois un concurrent pour lui. Il ne craint pas Allah. Il va te donner des conseils afin de s'assurer que ton commerce ne fleurisse pas, de façon à ce que tu ne sois jamais un concurrent potentiel pour lui. Mathal. Taïb. Et pour Dua al-Istikhara, Inch'Allah, on l'abordera quand on fera peut-être Kalimat Taïb d'Ibn Taymiyyah, Inch'Allah. Taïb wa tawassul. Al-tawassul, donc je reviens à propos de Cheikh Ubayd al-Jabri, toujours dans le sujet de Dua. Il dit « وَتَوَسُلْ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ دُعَى الْمَسْأَلَةِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامُ » Donc, qu'est-ce qu'on appelle le tawassul ? Le tawassul, avant de rentrer dans le propos de Cheikh Ubayd al-Jabri, il faut savoir une chose. Comme Samahat al-Shir Saleh al-Fawzan l'a mentionné, comme Cheikh Abdassalam ibn Barjas l'a expliqué également, le tawassul est de deux. Le tawassul, c'est lorsque l'on prend un moyen par lequel on se rapproche d'Allah. Cheikh al-Fawzan a expliqué que le mot tawassul, ça vient du mot al-wasila. C'est-à-dire qu'al-wasila, à la base, dans la linguistique, c'est le nom qu'on donne à la corde qui est reliée à un seau dans un puits. C'est-à-dire que quand tu veux puiser de l'eau dans le puits, à l'époque, tu tirais un seau avec une corde qui était dans l'eau, et l'eau te venait à travers ce seau que tu obtenais par le fait de tirer cette corde. Cette corde-là, on appelait ça wasila, parce que c'est le moyen par lequel tu obtiens l'eau. Et dans le din, Allah Azzajal a dit « et cherchez à obtenir vers lui une wasila ». Et le wasila, c'est l'amal salih, c'est-à-dire de vous rapprocher de lui par les œuvres pieuses. Taïb. Et le tawassul, il est de deux. Le tawassul shirki, le tawassul shir'i. Tawassul shirki, c'est ce que font certaines personnes qui imitent les Quraysh lorsqu'ils invoquent les morts, leur demandant la shafa'a. Ils disent, on se rapproche d'Allah par cela. Ça, c'est un tawassul shirki. C'est du polythéisme. Comme Allah Azzajal le rapporte, rapportant la parole des polythéistes. Ha'hula ishufa'a'una indallah. Ceux-là sont nos intermédiaires, nos intercesseurs auprès d'Allah. Ou, yani comme a dit Allah Azzajal, ma na'buduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa. C'est-à-dire, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité. Ça, c'est tawassul shirki. Et ça, on l'étudiera en tafsil dans Qawad al-Arba'a. Bi'idhnillahi azawajal. Maintenant, le tawassul shari'i. C'est celui que Cheikh Ubayd al-Jabri va aborder ici. Donc il dit, tawassul, ça fait partie de dua al-mas'ala. De dua al-mas'ala, dans la dua dans laquelle il y a une demande. Il dit, walahu thalathatu aqsam. Il y a trois types de tawassul. Il dit, awalan tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatih. Le fait de faire le tawassul vis-à-vis d'Allah par la mention de ses noms et de ses attributs. Comment ça se fait? Les ulémas, ils ont dit, par exemple, tu choisis le nom d'Allah qui est lié à ta demande. Par exemple, si tu as une demande que tu veux adresser à Allah, qui est liée à quelque chose qui est lié au pardon, la miséricorde, tu vas invoquer Allah. Ya Rahim, Ya Al-Ghaffar. Tu vas invoquer Allah Azzajal par la mention de ce nom, qui est lié à ton besoin. Si ton besoin il est lié à la demande de quelque chose par rapport à la dunya, tu peux invoquer Allah en l'appelant Ya Al-Wahhab. Al-Wahhab, c'est le généreux donateur. Ya Al-Razzaq, celui qui octroie avec abondance la subsistance. Ya Al-Raziq, celui qui donne la subsistance. Azzawajal. Et parmi les attributs d'Allah, parmi la mention des attributs d'Allah, ça a été mentionné justement dans un tafsil que j'ai fait il y a quelques minutes. Taïb. Comme dans le hadith, Bi rahmatika astaghithuk. De par ta miséricorde, j'implore ton secours. Athaniya. Donc la première catégorie de tawassul, c'est le fait d'invoquer Allah par la mention de ses noms et ses attributs. Taïb. Thaniyan, tawassul ilallah bi salih al-a'mal. Le fait de mentionner ses bonnes œuvres. فَإِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ فِي قُرْبَةٍ أَوْ ضَاقَتْ بِهِ ضَائِقَةٍ أَوْ أَصَابَتْهُ شِدَّةٍ. Donc dans le cas où la personne est dans une affliction qui l'attriste, une difficulté, une pénibilité, yani il est dans une situation difficile. وَيَعْرِفُ لَهُ أَعْمَالًا صَالِحًا. Et il sait que, avant que cette épreuve ne lui arrive, il a des bonnes œuvres qu'il a accomplies pour Allah. لَجَأَ إِلَى اللَّهِ دَاعِيَةً إِيَّهُ بِتِلْكُمُ الْأَعْمَالِ. Alors il va invoquer Allah, et lorsqu'il va invoquer Allah, il va mentionner ses bonnes œuvres qu'il avait faites sincèrement pour lui par le passé. كَقَوْلِهِ. Comme le fait qu'il dise, c'est des exemples, il dit Allahumma inni fa'altu fi yawmin kadha min al-a'mali kadha. Donc ils disent par exemple, oh Allah, j'ai certes fait durant tel jour telle œuvre. Fa in kana khalisan li wajhik. Si cette œuvre t'a été vouée, c'est-à-dire qu'elle a été accomplie sincèrement pour toi, pour ta face, fa farrij anni hadhihi al-kurba. Dissipe de moi cette épreuve, cette tristesse. C'est-à-dire, yani exauce mon invocation et aide-moi quant à cette épreuve, cette difficulté. Il dit, وَهَذَا النُّوْعَ مِنَ التَّوَسُّلْ دَلِيلُهُ. Donc la preuve qui prouve que c'est légitime d'agir de la sorte. Il dit, حَدِيثُ الثَّلَاثَ أَصْحَابِ الْغَارِ وَهُوَ مَعْرُوفُ. Il dit, le hadith mentionnant le cas des trois hommes dans la grotte. Et ce hadith est connu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ouvre ici une parenthèse, je résume le hadith, parce que le hadith est assez long. Ce hadith est un hadith authentiquement rapporté du prophète, alayhi salatu wasalam. Et dans ce hadith, il est rapporté que trois hommes, parmi les gens des communautés précédentes, ont été affectés par une tempête, il y a une averse, il a plu. Ils se sont abrités dans une caverne. Et il y a eu un éboulement, c'est-à-dire qu'il y a un rocher qui est tombé sur Yanni, à l'entrée de la cave. Ils ont essayé de le déplacer, mais ils n'ont pas réussi. Ils étaient trois. Ils se sont donc rendus compte qu'ils n'avaient d'autre choix, qu'ils n'avaient que la dernière option pour eux, c'était le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner dans leur invocation personnelle, individuelle, une œuvre qu'ils ont accomplie sincèrement pour Allah, espérant de la part d'Allah qu'il les exauce. Le premier a mentionné la bienfaisance qu'il a eue envers ses parents. Je résume le hadith. Le hadith donne l'état facile, mais je veux, par souci de concision, je fais juste une parenthèse modeste. Le premier avait été bienfaisant envers ses parents. Le deuxième avait renoncé à la fornication, c'est-à-dire qu'il avait été en mesure de forniquer avec sa cousine et il y a renoncé par crainte d'Allah. Il l'a mentionné. Le troisième était quelqu'un qui avait été juste et intègre envers un de ses employés. C'est-à-dire qu'en fait, il devait un salaire à un employé. Cet employé n'est pas venu chercher son salaire. Il a réinvesti ce salaire. Allah l'a fait fructifier jusqu'à ce que ce salaire est devenu énorme. C'est devenu du bétail, beaucoup de bêtes de bétail. Et lorsque cette personne est venue chercher, il a dit « Prends tout ça c'est à toi ». Donc la première personne a mentionné sa bienfaisance envers ses parents. Allah a fait que le rocher s'est déplacé. Quelque peu, mais pas suffisamment pour qu'il puisse s'extraire de la grotte. Le deuxième a fait la mention du fait qu'il ait renoncé à la fornication pour Allah. Allah a fait que ce rocher s'est déplacé une deuxième fois, mais pas suffisamment pour leur permettre de s'extirper de cette caverne. La troisième fois fut la suffisante. C'est-à-dire ce fut la dernière qui fut la cause qu'Allah Azzajal a fait que ce rocher s'est déplacé. Et donc, ce fut la troisième fois suite à laquelle ils ont pu sortir de cette caverne. Donc c'est ça le hadith que j'ai résumé, que j'ai synthétisé, auquel Cheikh Obeid Al-Jabri fait référence. Il dit « فَإِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ لَيُنْجِيكُمْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَكُلٌ دَعَ اللَّهَ وَتَوَاسَلَ إِلَيْهِ بِعَمَلِهِ الصَّالِحِ » Donc ces trois hommes, lorsqu'ils se sont retrouvés enfermés dans cette caverne-là, ils ont dit « Rien ne vous sauvera de la situation dans laquelle vous êtes, si ce n'est le fait d'invoquer Allah et par le fait de faire le tawassul, par la mention de vos œuvres pieuses. » Donc chacun d'entre eux a fait cela, en mentionnant chacun une œuvre pieuse qu'il avait accomplie sincèrement pour Allah, et ce fut la cause de leur salvation. Tayyib. Thalithan, donc le premier type de tawassul, c'est par la mention des noms et des attributs d'Allah, le deuxième c'est par la mention des œuvres pieuses. Thalithan, at-tawassul ilallahi bidu'a'i salihin. Tayyib, c'est là mawdi'u al-ishkal. C'est là où beaucoup de gens de soufia ils se sont égarés. Il dit donc at-tawassul ilallahi bidu'a as-salihin. Le fait de mettre yani de solliciter quelqu'un parmi les pieux afin qu'il invoque Allah en ta faveur. Il dit wa hadha as-salih, et concernant ce pieux, yajib an yakun. Donc là il aborde shurut. C'est-à-dire les conditions que doit respecter, qui doivent être présentes chez l'individu que tu veux solliciter pour qu'il invoque Allah en ta faveur. Et là, on va voir que ça élimine beaucoup de gens qui sont sollicités par les groupes sectaires. Il dit « Wa an yakuna hayyan » Donc la personne à qui tu demandes d'invoquer Allah en ta faveur, qu'il soit vivant. Donc ça élimine déjà ceux qui invoquent les morts. Il est interdit d'invoquer les morts. Non. Il est interdit d'invoquer les morts et il est interdit d'appeler les morts en leur demandant d'invoquer Allah en notre faveur. Ou d'intercéder auprès d'Allah en notre faveur. Ça, c'est interdit. Donc il dit, an yakuna hayyan, que la personne sollicitée soit vivante. Qadiran ala du'a, qu'il soit en mesure d'invoquer. Wa imkanu littisalu bihi, et le fait qu'on puisse parvenir à lui, c'est-à-dire communiquer avec lui, parvenir à le contacter. Imma mushafahatan shakhsiyya, soit tu le vois en personne, tu lui parles de vive voix, tu veux vous rencontrer, vous vous parlez. Wa min al-mushafaha ma manna Allah bihi hadhihi al-ayyam al-hatif. Et parmi ce qui rentre dans le fait de parler de vive voix, ce qu'Allah nous a accordé comme grâce de sa part, comme moyen technologique moderne, le téléphone. Non. Il dit yumkinu an tattasila bi insanin 'arafta 'anhu husna al-istiqama. Il se peut que tu appelles, tu contactes au téléphone quelqu'un dont tu connais la bonne pratique de la religion, la droiture. C'est quelqu'un de pratiquant, c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un qui est droit dans sa religion. Wattaqwa, et que tu connais que c'est quelqu'un qui est obéissant envers Allah, il craint pieusement Allah. Wassalah, il est quelqu'un sur la droiture et la rectitude. Tuhatifuhu qa'ilan. Donc il donne un exemple, il dit, tu l'appelles au téléphone et tu lui dis, ya fulan, ou un tel. C'est-à-dire, il donne un exemple. Il dit, ou un tel, ahu kafillah fulan, ton frère en Allah un tel, Donc en l'occurrence, celui qui t'appelle. Yuridu an tad'uwa lahu. Il désire de ta part que tu invoques Allah en sa faveur. Waqa'a fi kadha. Il s'est retrouvé dans telle situation. Waqa'a fi shidda. Il se retrouve dans une situation pénible, une difficulté. Waqa'a fi qurba. Donc c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans une épreuve, une épreuve attristante, une épreuve, une calamité, une affliction. Il est affecté par une tristesse ou quelque chose qui l'attriste ou une difficulté. La yalzamu laka an tusarriha wa la an tufassiha lahu an qurbatik. Et quand tu contactes cette personne pour la solliciter concernant ce qui t'attriste, ce qui t'afflige, la difficulté, l'épreuve dans laquelle tu es, tu n'as pas à lui dire exactement ce que c'est. Tu n'es pas obligé de lui dire, il m'est arrivé exactement telle chose, voilà, mon problème c'est ça. Juste tu lui demandes, Akhi, invoque en ma faveur, Yanni, je suis dans une situation difficile, je suis dans une situation pénible, je suis dans une situation Yanni, difficile à supporter, invoque Allah en ma faveur. Tu n'as pas à lui dire, Yanni, quel est le problème, Hakikatan, bidat. Ensuite, il dit, donc là, ça, tout ça, c'était la première catégorie. Dua al-mas'ala. La dua al-mas'ala, c'est-à-dire la dua par la demande à Allah Azzajal de quelque chose de spécifique. Et donc, dans ce sujet-là, on a terminé. Il dit, wa nou'u thani. Donc, la deuxième grande catégorie de dua, dua al-ibada. Donc, il dit, wa yatadamman amrin. Et ça englobe deux points, deux choses. Ahaduhuma, le premier de ces deux, at-taqarrub ila Allah bil-mas'ala. يسأل المسلم ربه ما أحب من خير الدنيا والآخرة متقربا بذلك إلى الله. Donc dans cette catégorie, la première catégorie rentre dedans. Elle est plus générale. Dua al-ibada, ça va revenir premièrement par le fait de se rapprocher d'Allah par la demande, par le fait de l'invoquer, de lui demander quelque chose. يسأل المسلم ربه. Le musulman demande à son Seigneur ما أحب من خير الدنيا والآخرة. Il lui demande ce qu'il aimerait, yani concrétiser ce qu'il voudrait qu'il lui advienne et lui parvienne comme bien de ce bas monde et de l'au-delà. Mutaqarriban bi dhalika ila Allah. Se rapprochant par cet acte-là d'Allah, c'est-à-dire par la demande, l'action de demander. Athani, at-taqarrub ila Allah bima shara'ahu min al-adhkar, min tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid, mimma laysa fihi mas'alatun. Tayyib. Donc là, il a mentionné des adhkar. Il a mentionné tasbih, tahlil, takbir et tahmid. Qu'est-ce que c'est tasbih? Cheikh, il ne les a pas expliqués. Je vais les développer quelque peu, brièvement. Tasbih, c'est-à-dire le fait de dire subhanallah. Tu le dis tous les jours. Quand tu dis subhanallah, il y en a subhanallah al-azim, subhanarabbi al-azim, excusez-moi. Ou lorsque tu dis subhanarabbi al-a'la. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith, qui est le dernier hadith du Sahih de l'imam al-Bukhari, rapporté par Abu Huraira, dans lequel il a dit « Kalimatan » Il y a deux phrases. « Khafifatan ala lisan » qui sont légères sur la langue, c'est-à-dire qu'elles sont faciles à prononcer. Ce n'est pas des longues phrases. « Thaqilatan fil mizan » qui pèsent lourd dans la balance des œuvres yom al-qiyama. « Habibatan ila rahman » et ces deux phrases sont aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Le fait de dire subhanallah wa bihamdih, le fait de dire subhanallah al-azim. Et at-tasbih, comme les ulama l'ont expliqué, c'est at-tanzih. At-tasbih, qu'est-ce que c'est? Quand tu dis subhanallah, beaucoup le traduisent gloire et pureté à Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hakikatan? Le ma'na de subhanallah. Subhanallah, ça veut dire Allahumma unazzihuka an kulli naqs. C'est-à-dire le fait d'affirmer que Allah est exempt de défauts, de manquements, de faiblesses ou d'imperfections. Et ça, c'est des connotations que l'on retrouve dans le nom d'Allah, As-Salam, ou le nom Al-Quddus. Donc, c'est des connotations relatives au fait d'être exempt, dénué de toute imperfection, Azza wa Jalla. Donc Allah, quand tu dis Subhanallah, c'est-à-dire que tu affirmes qu'il est dépourvu de tout défaut, de tout manquement, de toute faiblesse. Ça veut dire que tu affirmes quoi ? La perfection d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, at-tahlil. Le cheikh a mentionné at-tahlil. Tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit la ilaha illallah et que c'est la dernière parole qu'il dit dans cette dunya, dakhal al-jannah. Et c'est par rapport à cette parole qu'on a été créé. Tu existes par rapport à cette parole. Tu existes pour concrétiser cette parole. Naam. Et ensuite, At-takbir. Le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. De proclamer la grandeur absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a mentionné At-tahmid. At-tahmid, c'est le fait de dire Alhamdulillah. Et comme on l'avait mentionné précédemment, Allah, Alhamd, c'est l'éloge qu'on adresse à Allah Azza wa Jal. Et Allah est loué par rapport à deux choses. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il est, de par le fait qu'il est parfait, en tout point et en tout sens. Et donc, de par sa perfection, inhérente à son être, il mérite d'être loué. Il mérite les louanges, Azza wa Jal. Deuxièmement, pour ce qu'il fait. Le fait qu'il nous a créés, nous a donné la vie, nous donne la subsistance, nous donne la santé, nous donne nos membres, il nous donne nos organes, tous les bienfaits qui sont indénombrables. Par rapport à toutes ces choses-là, Allah mérite d'être loué. Azza wa Jal. Et Cheikh Ubayd al-Jabri n'a pas mentionné tous les adhkars qui existent, mais je vais vous en donner d'autres. Par exemple, si je vous dis Al-Hawqalatu, ça fait penser à quelle phrase? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Al-Hawqalatu, ça désigne quelle phrase? C'est la phrase La hawla wa la quwwata illa billah. Le fait de dire ça, cette phrase-là, La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une phrase qu'on appelle Al-Hawqalah. Et c'est ce qu'on appelle un des trésors du paradis. Taïb. Si je vous dis Al-Istirja, ça vous fait penser à quelle phrase? Al-Istirja. C'est le fait de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, à Allah nous appartenons et c'est vers lui que nous allons retourner. Fa'ida. Al-Hawqalah, lorsque tu dis La hawla wa la quwwata illa billah, les ulema ont expliqué que ça, cette phrase-là, quand tu l'as dit, ça a le sens de l'isti'ana, c'est-à-dire de talab al-aoun, talab al-i'ana. C'est-à-dire que quand tu dis La hawla wa la quwwata illa billah, tu es en train de demander l'aide d'Allah. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit s'il y a une adoration que tu veux faire et que la fainéantise te prend, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à la faire, répète abondamment La hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsqu'on comprend ce sens, on comprend le bénéfice immense parmi les bénéfices qu'il y a lorsque le mu'adhin fait l'adhan et te dit venez à la prière, venez au succès. Tu ne répètes pas, alors que tout le début du adhan, tu as répété exactement ce qu'il disait. Mais là, lorsqu'il t'appelle à la prière, tu dis quoi? La hawla wa la quwwata illa billah. Car tu as besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer, par le fait de te lever et de te rendre à la prière. Non. Ensuite, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est une phrase qui se dit عند المصيبة. C'est-à-dire, lorsque la calamité, lorsqu'une épreuve t'arrive, beaucoup de gens, يفزعون, il y a des gens, subhanallah, ils ont des émotions qui ne sont pas appropriées. Ils ont des paroles qui ne sont pas appropriées, ils ont des attitudes qui ne sont pas appropriées. La personne doit savoir qu'il appartient à Allah, qu'il lui appartient et qu'il va revenir vers lui. Et ce genre de parole, c'est une bonne parole qui est à dire lorsqu'on a un événement difficile à supporter qui nous arrive. Taïb. Cheikh Ubayd al-Jabri. Attendez juste une seconde, 21h37. Ouais, donc ça va, on va poursuivre encore un peu. Donc il dit Wathani al-Umur, le deuxième point que le Cheikh veut aborder. Il dit Ya'lam al-Muslim, annahu idha da'a Allah azza wa jal, nala ihda thalath. Il dit le musulman doit savoir, il doit impérativement savoir, que lorsque le musulman invoque Allah, il perçoit, il parvient à un de ces trois éléments. Il dit ta'jilu ma da'a bihi fi dunya. C'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah, l'exaucement, il va être de trois manières. Il dit soit tu vas recevoir ce que tu as demandé dans cette dunya, tu as demandé quelque chose à Allah, Allah te l'accorde. Ça c'est la première chose. Il dit aw iddikharu dhalika lahu fil akhirah. Ou que l'exaucement est procrastiné. C'est-à-dire que tu ne reçois pas ce que tu as demandé, mais tu recevras un khir dans l'au-delà. Troisièmement, أو أن يصرف عنه في من السوء مثل ما دعا به. Ou que soit écarté de toi un mal équivalent au bien que tu as demandé. C'est-à-dire que tu avais demandé un bien à Allah, Allah ne te l'a pas accordé ce bien-là. Mais il a repoussé de toi un mal équivalent à ce bien. Taïe. Ensuite, le troisième point que Cheikh a voulu aborder, وَالْأَمْرُ الثَّالِثِ لِيَعْلَمْ كُلُّ مُسْلِمْ وَمُسْلِمَةٍ أَنَّ الْإِجَابَةَ لَهَا شُرُوطٍ مِنْهَا. Il dit qu'il y a des conditions à l'exaucement. C'est-à-dire, si tu veux être exaucé par Allah, que quand tu fais une invocation, quand tu demandes quelque chose à Allah, tu veux être exaucé, tu veux qu'Allah réponde favorablement à ta demande, Alors il y a des conditions à respecter. Il dit, awalan, la première d'entre elles, ikhlas ad-du'a ilallah, subhanahu azza wa jalla, le fait de vouer l'adoration qui est l'invocation purement et exclusivement à Allah. Thaniyan, al-yaqin bil ijaba, le fait que tu sois certain que tu vas être exaucé. Faut pas que tu sois douteux, faut pas que tu hésites, faut que tu dises, ah, je vais peut-être pas être exaucé. Là, sois certain que tu seras exaucé, inshallah. Il dit thalithan, alla yakun fi ad-du'a ithmun aw qati'atu ar-rahim. كقول القائل وهو يدعو على قريب له اللهم لا تقرب بيني وبينه أبدا فهذا سؤال لقطيع. Il dit que la troisième condition pour que ta doua soit exaucée, que dans ta doua tu ne demandes pas quelque chose qui est de l'ordre du péché ou de quelque chose qui va provoquer une rupture des liens de famille, des liens de parenté. Il dit comme le fait que quelqu'un dise à propos d'un de ses proches, c'est-à-dire un proche de, parmi les membres de sa famille, il dit fait que je ne sois jamais proche de lui. C'est-à-dire ne rapproche pas de lui. Ne crée pas de rapprochement entre moi et un tel. Non. Ça, c'est une demande par laquelle il demande à Allah une rupture des liens de parenté. Et ça, c'est interdit de demander ça à Allah. Il dit, wal-ithm, et un exemple de péché, il dit, ka-qawlil-qa'il, comme la parole tenue par quelqu'un qui dirait, Allahumma btalihi bil-fahishati fi ahli. Oh Allah, éprouve-le par la survenue de la turpitude au sein de sa famille. La turpitude, ça peut être dans le sens que zina survient dans sa famille. Soit il vise sa femme, soit il vise les femmes de sa famille. C'est-à-dire que quelqu'un dans sa famille tombe dans zina. C'est une manière d'invoquer. Certaines personnes, ils invoquent comme ça. Quand ils en veulent à quelqu'un, ils invoquent contre sa famille, ils disent qu'il soit éprouvé par le fait que dans sa famille, il y a la turpitude. Des péchés, en l'occurrence, par exemple, dans certains contextes, il peut viser zina, la fornication. Il dit, ayadhan billah min dhalik. Hadha ithmun adhim. Il dit, le fait de faire ça, c'est un grand péché. C'est-à-dire, c'est un péché qui est énorme. Fama dhanbu ahlihi hatta yad'u alayhim hadha ad-du'a. Qu'est-ce que la famille du concerné a fait comme péché pour qu'il invoque à leur rencontre de ce genre d'invocation? Il dit Rabi'an, Adamul Ajala, le fait de ne pas s'impatienter, de ne pas s'empresser, de ne pas s'impatienter. Il dit Alehi an yad'u wa yasbir. C'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah et tu patientes. Naam, Wallah yuhakkimu amrah wa yahkumu ma yurid. C'est Allah qui a le contrôle sur son affaire. C'est Allah qui contrôle et qui gère son affaire. Et Allah fait ce qu'il veut. Et il juge de la manière qui lui sied à Azzawajal dans les affaires de ses serviteurs. وَالْعَجَلَ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَقَوْلِ الْقَائِلِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي. Et donc la manifestation, parmi les manifestations de l'empressement, le prophète Sarsam, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire s'empresser, le fait de s'impatienter. Le fait que quelqu'un dise j'ai invoqué Allah, Allah ne m'a pas exaucé. Il y a combien de gens qui sont comme ça? Combien de gens ils sont comme ça? Ils invoquent et ils veulent qu'Allah l'exauce directement. Non. Et des fois, ce sont les gens qui sont les plus loin d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Connais Allah en temps d'aisance, Allah te connaîtra en temps de difficulté. » C'est-à-dire, lorsque tout va bien, beaucoup de gens ils oublient Allah quand ils ont de l'argent, quand ils ont un appartement, quand ils sont mariés, tout va bien pour eux, qu'Allah leur a donné de la dunya, ils ne pratiquent pas correctement la religion. Puis quand la maladie, une catastrophe, un événement, etc., ou une difficulté vient, ils se tournent vers Allah. Et ils veulent qu'Allah les exauce directement. Alors que quand ils étaient dans l'aisance, qu'Allah leur accordait tout ce qu'ils voulaient, ils se détournaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith qui dit « Yahfadillah yahfadak ». C'est-à-dire, préserve les injonctions d'Allah. Sois droit dans ta religiosité, yahfadak, Allah te préservera. Non. Khamisan, le cinquième point. On a bientôt fini, Yahya. Vous êtes bientôt libérés, inshallah. Taïb, un peu de patience. L'imam Yahya ibn Abi Kathir disait « La science ne s'acquiert pas par le repos du corps. » On a accepté pour chacun d'entre nous de passer des heures à l'école primaire, au collège, au secondaire, au lycée, pendant des heures, pendant des jours, pendant des années. Là, on apprend ce qui cause la salvation et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Patientez un petit peu, on a bientôt fini, inshallah. A'anakumullah, qu'Allah vous assiste. Taïb Khamesan. Le fait de ne pas transgresser, de ne pas dépasser les limites légiférées dans la sharia, dans les doigts. Il dit, وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْقَائِلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَنْزِلَةً فِي الْجَنَّةِ لَا يَبْلُغُهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ. Il dit comme le fait que quelqu'un il demande à Allah, il dit, اللهم fais-moi atteindre un degré au paradis que personne dans la création n'atteindra ce degré jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il demande un degré supérieur à toutes les autres créatures. Et Cheikh Ubaid, il donne cet exemple-là, il dit « Yuridu bidu'ahi an yakuna ala manzilatin minan nabi'a a'la manzilati min an-nabiyyin wal mursalin. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne qui fait ce genre de doigt, en fait, il est en train de demander à atteindre au paradis un degré supérieur au degré qu'atteindront les prophètes et les messagers. C'est pas possible. Il dit, wal-nabi, qad naha anil i'tida fi ad-du'a. Le prophète sallam, il a interdit de fait de dépasser les limites dans les doigts, c'est-à-dire de demander des choses qui ne sont pas convenables de demander. Il dit à Sadis, Tibul Matar, soyez attentifs à ce point-là, c'est un point très important, Yahya. Il dit Tibul Matar, min ma'kil, wa mashrab, wa malbas, wa maskan. Le fait de s'assurer, ça fait partie des conditions pour que tes doigts soient exaucés, le fait de manger halal. Que tu sois dans le halal au niveau de ta nourriture, au niveau de ta boisson, au niveau de tes vêtements et au niveau de ton maskan, il y en a au niveau de ton habitation. Il mentionne le dalil. Il dit an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyuha an-nas inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin fa qala ya ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa a'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه مسلم. Donc il a rapporté un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux envoyés, à ses messagers. » Et il mentionna le verset de Surat al-Mu'minun, le verset 51, dont le sens en français est « ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez pieusement. Je suis savant de tout ce que vous faites. » Ensuite, il a mentionné sallallahu alayhi wa sallam, le verset 172 de Surat al-Baqarah. Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses dont nous avons fait don en tant que subsistance. Et soyez reconnaissants vis-à-vis d'Allah si c'est véritablement lui que vous abordez. Et donc, après avoir mentionné ces textes du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné le cas d'un homme. Yotil al-Safar, il est en voyage. Et les doigts du voyageur, elles sont exaucées. Ash'afa aghbar, c'est-à-dire qu'il a les cheveux ébouriffés et un lit couvert de poussière. Tout ça, c'est des situations qui sont des paramètres qui sont des causes de l'exaucement. Lever les mains, ça fait partie des causes d'acceptation des doigts. C'est pas wajib, mais ça fait partie de ce qui est recommandé. Soit tu lèves tes mains là, comme ça, ou tu peux lever les mains au-dessus de ta tête. Il y a des variantes rapportées par les mains par rapport à hadith. Donc, et cette personne-là, il invoque Allah en disant Ya Rab, Ya Rab. Donc il a beaucoup de causes avec lui qui font qu'il sera exaucé. Lakin, mat'amuhu haram. Mais sa nourriture qu'il mange, elle est illicite. Et sa boisson, elle est illicite. Et ses vêtements sont illicites. Certains ulama ont dit que ça veut dire qu'il a été éduqué. Son environnement dans lequel il a évolué durant sa vie, c'était le haram. Et certains ont dit, il y en a dans le sens, il est immergé dans le haram. Non. Son quotidien est lié au haram. Et donc, il y a plusieurs interprétations. On le verra peut-être si on a l'occasion d'étudier l'Arba'an al-Nawawiyyah, car c'est le hadith numéro 8 ou 10. Non, le dixième. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Donc cet individu qui a des causes d'exaucement, mais qui, parce que sa boisson, sa nourriture, son vêtement, etc., sont haram, فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment lui sera exaucé? Donc ça veut dire que c'est des mawa'ani'a. C'est des obstacles qui empêchent ta doua d'être exaucée. طيب, il dit هَذِهِ بَعْدُ شُرُوتِ إِجَابَةِ الدُّعَى. Donc ça, c'est certaines, c'est pas toutes. Ce sont certaines conditions de l'exaucement de l'invocation. Et tout comme l'invocation a des conditions de validité pour qu'elle soit exaucée, et donc l'invocation elle a des adab, des bons comportements qui sont à mettre en place, à essayer de concrétiser pour qu'on soit exaucé bi-idhnil. Il dit istish'aruka bil-dhulli wal-khudu' lillahi wal-hajah ilayh. Le fait que tu ressentes en toi-même lorsque tu invoques Allah ton état d'humilité, ton rabaissement et ton humilité vis-à-vis d'Allah, et comme tu es démuni et dépendant d'Allah, comme tu as besoin de lui. Parmi les causes d'exaucement, parmi les adab qui sont des causes d'exaucement, raf'u al-yadayn, le fait de lever les mains. Cheikh Ibn Baz avait dit que tu peux lever tes mains, parmi les variantes qui ont été rapportées, le fait de lever les mains de manière à faire comme si tu portais au niveau de ton visage de l'eau dans tes mains, dans tes paumes de tes mains. Ça, c'est une manière de lever les mains. Certains ulémas lèvent les mains comme ça. Certains ulémas ont rapporté qu'on peut lever les mains comme ça. Non, ça a été rapporté. Mais cette variante-là est une variante que j'ai vue chez Ibn Baz faire dans une vidéo. Rahimahullah. Istiqbal al-qibla. Sur ça, il n'y a pas de dalil qat'i. Les ulémas n'ont pas mentionné de adillah clair, disant que quand tu invoques ton temps vers la qibla. Mais c'est que la généralité des adorations, il est recommandé de les faire face à la qibla. وكذلك للدعاء أوقات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من ساعات الاستجابة. Donc Cheikh, il a attiré l'attention concernant certains adab. Il y a beaucoup d'autres adab. On avait abordé ça dans certains de nos cours. Mais là maintenant, il aborde certaines, il y a des certaines heures, c'est-à-dire certains moments, créneaux temporels, dans lesquels les du'as sont exaucés. Il dit بين الأذان والإقامة. Et ça, on l'avait mentionné. Entre l'adhan et l'iqam, les du'as sont exaucés. في السفر. Lorsque tu es en voyage. Le voyageur, ses du'as sont exaucés. Wa 'inda nuzul al-matar, lorsqu'il pleut. Wa fi sujud, et lorsqu'on est prosterné, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que la position dans laquelle le serviteur est le plus proche de son seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Donc multipliez-y les invocations. Et il dit fi jawfi al-layl, c'est-à-dire durant la nuit. Et comme vous le savez, la meilleure partie de la nuit, la partie de la nuit qui est la plus propice pour l'invocation, c'est le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu avait mentionné Yanzilu Rabbuna, c'est-à-dire que notre Seigneur tabaraka wa ta'ala descend au ciel de cette dunya d'une descente qui sied à sa majesté Azza wa Jalla et qui n'est pas similaire à la descente de ses créatures. Et il descend et il s'adresse à la création, selon le sens du hadith Qudsi, en disant qui me demande afin que je lui accorde, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui accorde, qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Donc c'est un moment propice à l'exaucement des invocations. Donc avec ceci, on a terminé pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Hadha wa subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalam.